me souviens, ma mère, que tu chantais souvent. Malgré tes misères, malgré tous nos tourments, il faut chanter encore et toujours plus fort. La nuit sera plus claire et plus bleu le ciel d'aurore. Ma mère, que tu disais souvent, oublie la frontière, regarde loin devant. Tu m'as appris l'espoir, j'ai de la mémoire, et c'est pour toi, ma mère, que je chante tous les soirs.